Bah, du moment que t'as une bonne carte son externe, un bon micro, puis bon, un PC suffisamment puissant, t'as même plus besoin de studio. Hein. Dès que tu commences à maîtriser ton matos, t'arrives à faire vraiment des trucs chouettes. Ben, j'ai des potes chez qui je suis allé là avec mon matériel. C'est moi qui leur ai fait la maquette. Hein. Ils ont la maquette, je l'ai fait sur mon PC. Alors qu'ils étaient allés dans un studio où le mec il avait un matos pas possible. Le mec il avait un matériel d'enfer, il savait pas s'en servir. Oui, c'est vachement. Oh, c'est pas bien compliqué en fin de compte. Moi, ce que j'ai comme carte son externe, j'en connais beaucoup qui l'ont acheté, c'est une Omega Lexicon. C'est hyper costaud comme truc, et puis bien performant. Seule chose, c'est que c'est en USB, et donc tu ne peux enregistrer que deux pistes à la fois. Mais bon, comme tu travailles sous Cubase, de toute façon, les pistes, tu les fais les unes derrière les autres. Non, non, ça change rien. Hein. Je voulais m'acheter un Korg 3002, bon, qui est un mini studio en fin de compte, mais 1200 euros, laisse tomber. Là, la carte son, elle me coûte 150 euros. Du moment que tu maîtrises bien Cubase en arrière, t'arrives à gérer comme il faut. En plus, moi, j'utilise aucun VST. Hein. C'est que de la prise de son. Après, je rajoute un petit peu d'effet, du delay, de l'écho. Ben moi, c'est une version payée et payante que j'ai. C'est le SX3 que j'avais acheté. Bon, Cubase, il y a 5-6 ans que je l'ai maintenant. Non, ça paraît compliqué, mais ça l'est pas. Faut pas hésiter à acheter le bouquin qui va avec. En fin de compte, si tu connais par exemple le traitement d'image sous Photoshop, Illustrator, ça ressemble étrangement à ça. Ça fonctionne suivant les mêmes principes. Oh, mais non, le SX3, il n'existe plus, mais tu dois le trouver pas cher. Hein. Par contre, bon, quand, si tu prends les dernières versions, ça doit coûter dans les 250 euros au moins. Mais déjà, avec quand tu prends Audacity, qui est un truc gratuit, j'ai commencé avec ça, t'arrives à faire de sacrées bonnes choses avec. Ouais, ça fait mal, hein. Oh mais SX3, tu dois en trouver des versions qui, à mon avis, ça doit pas... Ouais, Audacity, c'est un petit gratuit qui ressemble à Cubase, puis qui est pas mal hein, quand t'as compris comment il fonctionne. Ben, si tu vas sur le site de soit Zikinf, soit EasyZik, d'ailleurs moi j'avais mis un tutoriel sur EasyZik où ça permet aux gens d'apprendre à s'en servir et de le télécharger, quoi. Si t'as besoin de tuyaux, note mon adresse mail sous. Si t'as besoin de tuyaux pour ces trucs-là, t'hésites pas à me contacter. Parce qu'à la limite, je présume que t'es en illimité pour le téléphone. À la limite, après, par téléphone, c'est plus facile d'expliquer le fonctionnement du logiciel et ce qu'il faut faire. C'est ce que je fais avec pas mal de copains, quoi. Bon, je vais bosser un peu. Allez, ciao. À bientôt. Ouais, si. Mais si, je te dis, n'hésite pas. Si t'as le moindre truc que tu piches pas, tu me contactes. Je pourrais même te scanner les pages intéressantes du bouquin puis te les envoyer.